Thank you. Bena, tudo bem? Bena, Argentina, Tony Wells, França. Ça va, Tony Wells, je suis avec un ami de France qui peut parler français avec toi. Bem-vindo, c'est ok. Bienvenue. Voilà, les Français du Brésil t'accueillent ouvertement. Toc, toc, toc. Bravo. Je sais que toi c'est de Paris, mais il dit que toi es de Strasbourg. C'est vrai? Tu es de Paris ou de Strasbourg, Tony Wells? Pour voir les maps de Jean Tabar, les maps que nous pouvons. La carte de Jean Tabar, nous pouvons voir, comment est ver en français? Voir, nous pouvons voir la localisation. Aïe, on y est Strasbourg. Valeu.